connaît le secret d'un trésor merveilleux. Les distances sont inconnues, on les dit infinies. La Terre est là. La Terre est proche. Paris à virer de bord. Cap Sud Sud-Est. C'est l'une des grandes énigmes de l'histoire de l'alpinisme, une zone d'ombre sur le toit du monde. Officiellement, les premiers à avoir atteint le sommet de l'Everest sont le Népalais Tenzing Norgay et l'alpiniste néo-zélandais Edmund Hillary lors d'une expédition menée en 1953. Mais il se pourrait qu'un autre alpiniste de renom, George Mallory, et son compagnon Andrew Irvine aient atteint le sommet 29 ans plus tôt, en 1924, avant de disparaître tragiquement. Des générations d'alpinistes se sont passionnés pour cette histoire. Certains sont partis sur les traces des deux hommes pour tenter de reconstituer leur parcours et comprendre ce qui leur était arrivé. Une enquête à rebondissements qui dure depuis plus de 90 ans. La montagne a livré quelques indices, ouvrant des pistes sérieuses, alimentant aussi des théories fantaisistes. Pour tenter de démêler le vrai du faux, nous avons invité Jean-Michel Asselin, journaliste, écrivain et alpiniste. Il a d'ailleurs plusieurs fois tenté de gravir l'Everest. Il est l'auteur de nombreux livres sur la montagne. Le dernier en date s'intitule On ne vit pas au sommet chez Pocket, et aujourd'hui, le temps d'un bivouac en haute altitude, il va nous emmener sur les traces de George Mallory. His body appears to be mummified. On dirait que son corps est momifié. There's rope around his waist. Il y a une corde autour de sa taille. Oh, still some socks. Il a toujours ses chaussettes. You can see a boot. Je peux voir sa botte. Second boot. Sa deuxième botte. The leg is angulated fracture. Sa jambe semble avoir été fracturée. First guess is that he took a fall. À première vue, je dirais qu'il a été victime d'une chute. De ce côté, je peux voir ses couches de vêtements. Okay, these are the collar, On peut regarder son col. Attends. C'est George Mallory. Vraiment. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Nous étions le 1er mai 1999, 75 ans après la disparition de George Mallory, l'alpiniste Konrad Anker retrouvait le corps de cet alpiniste, 8000 mètres d'altitude sur la face nord de l'Everest. Bonjour Jean-Michel Asselin. Bonjour. Cette découverte a provoqué une véritable déflagration dans le monde de l'alpinisme et même au-delà. Bien sûr, parce que George Le Mallory, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une sorte de légende avec cette énigme. Est-il allé ou non au sommet avec Sandy Irvine, Andrew Irvine, comme on l'appelait? On ne le sait toujours pas. C'est on ne le sait toujours pas, mais des indices quand même commencent à se dessiner. Alors, dans quelles circonstances a été retrouvé le corps de George Mallory exactement? Alors, je pense que Konrad Anker, qui est un alpiniste que je connais très bien, était très bien informé. Ouais. Et qu'il avait eu des informations probablement venant de la part d'alpinistes chinois, puisqu'on a deux témoignages d'alpinistes chinois. Un qui avait dit vers 8200 mètres, à un moment, dans une crevasse, je me suis trouvé contre le corps d'un mort qui était un Anglais. On n'a que ce témoignage-là. Il se trouve que cet alpiniste chinois est mort très peu de temps après dans une avalanche. Oui. Donc on n'a pas de précision. C'est-à-dire que le jour où l'alpiniste chinois fait cette confidence, le lendemain, il meurt. Il meurt, exactement. Et donc, on a presque l'impression d'un scénario de film. C'est-à-dire c'est un scénario. Il délivre un indice et juste après, il disparaît sans pouvoir donner plus de détails sur le corps qu'il a trouvé. Après, bon, on avait des indices par rapport à le témoignage d'un des témoins majeurs de cette histoire, qui est Noël Odell, qui est un géologue et qui, lui, a observé l'ascension de Mallory et Irvine le fameux jour de leur disparition. Mmh. Et donc là, ils étaient encore vivants. En 1924, ce géologue est un petit peu en contrebas, à quelques centaines de mètres plus bas, et il apparaît, pendant une éclaircie, entre deux nuages, il apparaît la silhouette des deux hommes, Irvine et Mallory, à 300 mètres du sommet. Voilà, il ne sait pas très bien en fait où situer parce que le nuage brouille un peu la vision de cette arête. Alors il y a deux obstacles sur l'arête de l'Everest. On appelle ça le first step and second step, le premier pas et le second pas. Et Odell hésite. Est-ce qu'ils sont au premier pas? Est-ce qu'ils sont au deuxième pas? Il voit les deux silhouettes se rapprocher l'une de l'autre. Il n'est pas sûr qu'elles descendent ou qu'elles montent, mais il est sûr, en revanche, qu'il y a bien deux personnes qui sont là. Alors, on va revenir sur la chronologie de cette journée fatale, ce 8 juin 1924. Mais quand Georges Mallory entreprend l'ascension de l'Everest, il a 38 ans, c'est déjà un grand nom de l'alpinisme. Il s'est illustré à de nombreuses reprises. Oui, Georges Mallory. Alors, c'est pas l'alpiniste le plus extraordinaire du siècle, mais c'est quelqu'un qui a, dans les Alpes, réalisé de belles ascensions. Le Mont Blanc en 1911. Bien sûr. Et puis, ceux qui connaissent bien le secteur savent que l'on peut aujourd'hui gravir une voie qui s'appelle la Mallory à l'Aiguille du Midi, dans la face nord de l'Aiguille du Midi. Donc voilà, Mallory, c'est un personnage qui a beaucoup grimpé. Une autre voie porte son nom, alors en Grande-Bretagne, dans le parc national du Lake District, au nord-ouest de l'Angleterre. Une voie qui porte son nom et qui, pendant longtemps, a été considérée comme la plus difficile de la Grande-Bretagne. Certainement, mais en Grande-Bretagne, vous savez, il y a des voies extrêmement difficiles tout le temps. Donc c'est... Voilà. Mais Mallory, ce qu'il y a, c'est quelqu'un de passionné, ça c'est certain. Il adore la montagne. Ses copains d'escalade disent que de lui que c'est un grand bébé intrépide. Il fait 1m80. Il est plutôt rustique. C'est un bon alpiniste. En décidant de s'attaquer à l'Everest, quand même, Mallory tente un défi plus important que tous les précédents qu'il a pu tenter. En 1924, on sait que l'Everest est le plus haut sommet du monde, mais on ne le sait pas depuis très longtemps, en fait. Non, on le sait pas depuis très longtemps. On le sait depuis qu'un certain George Everest, qui travaillait au Survey of India, qui est une sorte de comptoir qui s'occupait de cartographier l'Himalaya, avait envoyé des espions pour relever les altitudes des sommets himalayens, et ils avaient identifié qu'un fameux pic 15 dépassait 8800 et quelques mètres. Mmh. Et c'est incroyable parce qu'effectivement, George Everest avait trouvé le sommet le plus haut du monde. Et ce sont ses employés qui ont voulu donner à ce pic 15 le fameux nom de Everest. Ouais. Alors c'est Andrew Vogue qui observe et qui calcule la hauteur de l'Everest en 1956, je crois. 8840 mètres, dit-il. C'est pas loin de la réalité, il est très proche. C'est complètement la réalité, puisqu'on est à 8850 aujourd'hui, avec des fluctuations selon la neige, etc. Ouais. Donc, non, ils étaient très bons, les Anglais. Alors, une fois que l'on identifie cet Everest comme le plus haut sommet du monde, formellement, il y a un peu une course qui s'engage entre certaines nations. Alors, à qui mettra le premier le pas sur le toit du monde? Alors, c'est pas une course parce que les Anglais se réservent totalement l'aventure. Ouais. Ce sont eux les pères de l'Everest. Il n'y a rien à faire. Ils vont, il faut le rappeler quand même, envahir le Tibet en 1904. Ils vont installer quelqu'un à Lhasa, un comptoir commerçant, de commerce. Et ils vont obtenir cette autorisation de pouvoir se balader à peu près partout dans le Tibet, sur tous les versants. Et ça va être leur grande obsession. Parce que vous savez, les Anglais, 8000 mètres, ça veut rien dire pour eux. Les Anglais, ils parlent en pied. Ouais. Donc, les autres sommets de 8000 mètres... À la limite, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Mais l'Everest, c'est le plus haut. Ouais. Et ça, ils y tiennent beaucoup. Ça fait combien en pied, l'Everest, du coup? Je crois que c'est 29 000 pieds, quelque chose comme ça. Je pensais vous coller, même pas. Pourquoi les populations locales ont toujours regardé l'Everest de loin, n'ont jamais tenté de le gravir avant que les Anglais ne s'y intéressent? C'est très simple, parce que pour les populations locales, les montagnes sont d'abord des demeures du dieu. Le nom local réel de l'Everest, c'est Chomolungma, qui veut dire la déesse la plus haute, la déesse des mers, la déesse du monde, etc. Et j'avais posé une fois la question au Dalai Lama, j'avais dit, mais vous n'avez pas eu envie, vous, qui habitiez Lhasa, de grimper les montagnes? Il m'avait dit, si, j'aimais beaucoup aller pique-niquer sur les collines autour de Lhasa. Les collines qui font pas loin de 5000 mètres d'altitude, quand même. Mais c'est tout. Pour eux, c'était... Ce serait déranger un dieu que d'aller en haut de ce... Certainement. De ce sommet. Alors, on va essayer de comprendre quand même qui était Georges Mallory. Certains le surnommaient le dandy de l'Everest. Il avait un charisme, cet homme. Manifestement, il ne laissait pas indifférent. Et voici comment l'historien Lytton Strachey le décrit dans une lettre envoyée à Virginia Woolf. Il mesure 1m80. Le corps d'un athlète de Praxitèle et un visage, c'est incroyable. le mystère de Botticelli, le raffinement et la délicatesse d'une estampe chinoise, la jeunesse et le piquant d'un inimaginable jeune garçon anglais. Je délire, mais lorsque vous l'aurez vu, et vous devez le voir, vous reconnaîtrez que tout cela est vrai. Tout. Pour le reste, il veut devenir instituteur et son intelligence n'a rien de remarquable. Mais qu'en a-t-il besoin ? Plus beau qu'intelligent, ce portrait est finalement moyennement flatteur. Oui. Vous y ajouteriez quelque chose ? Lytton Strachey était homosexuel et c'est très drôle parce que ça a créé en fait une espèce de mythe autour de Mallory. Certains y ont vu le fantasme de savoir si Mallory des fois et Irvine n'avaient pas eu des relations. Irvine, c'est son compagnon, c'est son cordé compagnon de avec cordé, lequel voilà. Il va justement tenter l'ascension. Il s'est créé tout un mythe autour de ça. Il a une façon de grimper... gracieuse, oui. Souple, il se fait remarquer même dans sa façon de grimper. C'est quelqu'un d'élégant, c'est quelqu'un qui a du style, donc il y a pas de problème, il se fait remarquer effectivement à cause de ça. Il écrira aussi un essai, The Mountaineer as Artist, le montagnard comme un artiste. Il parle, pour lui, la course en montagne, c'est une symphonie, il y a une dimension vraiment poétique. Il est poète. J'avais retrouvé, je crois, une citation de lui où il parle de l'Everest et il dit « Ah, c'est formidable, on dirait une défense portée devant la mâchoire du monde. » Quelque chose comme ça. Ouais. Sur le camp de base de l'Everest, il déclame facilement Hamlet, bien le sûr. Roi Lear. C'est un littéraire, ce n'est pas seulement un sportif aguerri. Et quand on lui demandait pourquoi il voulait conquérir l'Everest, il y a cette phrase célèbre, mythique, on ne sait pas s'il l'a vraiment prononcée, mais il aurait dit... Parce qu'il est là. Voilà, c'est tout. Parce qu'il est là. Il voulait aussi entrer dans la légende. C'est quoi son vrai moteur ? Parce que le « parce qu'il est là » nous laisse un peu sur notre faim. Alors, oui, ça, certainement. Mais le problème, c'est que quand on a goûté à l'Everest, quand on s'est un peu échiné sur ses pentes... L'Everest, c'est pas une belle montagne. C'est un espèce de tas. Mais quand on a quand même goûté à ça, quand on a vraiment éreinté ses muscles là-dessus... On peut que revenir, on peut qu'avoir envie d'y aller. C'est très attirant, c'est très addictif, l'Everest. Et lui va faire de l'Everest une véritable obsession. Il va y retourner plusieurs fois. Oui, trois fois, oui. Avant d'y rester. Il va faire partie de l'expédition de reconnaissance en 1921, de la première expédition en 1922, où vont mourir d'ailleurs sept Sherpas, ce qui va beaucoup l'affecter. Et puis, bien sûr, en 24, où là, il ne reviendra pas. Et toute la question est de savoir s'il est mort en montant, en tentant d'atteindre le sommet, ou s'il est mort en redescendant. Officiellement, la première ascension de l'Everest est datée de 1953 par le Népalais Tenzing Norgay et l'alpiniste néo-zélandais Edmund Hillary. Mais peut-être que George Mallory et son compagnon de cordée Irvine ont atteint le sommet 29 ans plus tôt. C'est une des grandes énigmes de l'histoire de l'alpinisme qui a fait couler beaucoup d'encre. Cet après-midi, nous partons pour une enquête en haute altitude sur les pas de George Mallory, le temps d'un bivouac avec Jean-Michel Asselin sur le toit du monde. C'était 1917, The Good, The Bad and The Queen avec Damon Albarn sur France Inter. L'Everest, c'est un absolu parce qu'il n'y a pas de plus haute montagne sur la Terre. Je ne vois pas d'autre comparaison possible pour le situer que la conquête du pôle Nord ou celle du pôle Sud. C'est un succès qui est absolument indépendant des difficultés qu'il a pu présenter. Et pourtant, ces difficultés sont immenses, mais il est seul. Jamais on ne refera quelque chose de comparable. Voilà comment Lucien Devis, patron de l'alpinisme français dans les années 50, parlait de l'Everest en 1953, l'année où le plus haut sommet du monde a officiellement été gravi pour la première fois par le Népalais Tenzing Norgay et l'alpiniste néo-zélandais Edmund Hillary. Mais un doute persiste. Il y a une zone d'ombre dans la grande histoire de l'alpinisme. Il est possible que 29 ans plus tôt, l'alpiniste britannique George Mallory ait réussi cet exploit avant de disparaître. Nous essayons d'y voir plus clair avec vous. Jean-Michel Asselin, vous êtes écrivain alpiniste vous-même. Vous êtes allé plusieurs fois sur les versants de l'Everest. Lorsque George Mallory part en expédition à l'assaut de l'Everest en 1924, il n'y a pas eu beaucoup de tentatives avant. Non, il y a eu très peu de tentatives. Il y a eu cette reconnaissance en 1921, où là, il fallait trouver, ne serait-ce que la voie d'accès au pied de la montagne. Eh oui, on en est là. On ne sait même pas par où monter. Non, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis, en 1922, il y a réellement la première tentative que les Anglais réalisent, tant bien que mal, où ils vont monter d'ailleurs très haut. Hein. C'est, ouais. Ils dépassent 8000 mètres, mais là, malheureusement, une avalanche va entraîner l'équipe de Sherpa dans les pentes du col Nord, et il va y avoir 7 personnes qui vont mourir. Donc, vous imaginez que ça a dû affecter profondément les alpinistes. Ouais. Et Mallory tout particulièrement. Et Mallory tout particulièrement. Il sera très affecté par le fait que ces Sherpas, et pas les Anglais finalement, mais sept Sherpas sont morts dans cette avalanche. Comment se préparait-on à cette époque à des expéditions qui n'avaient jamais été menées? Oui. Alors, on avait qu'un exemple qui était intéressant, c'était les expéditions polaires. Oui. Puisqu'il y avait Scott, il y avait des gens comme ça qui avaient été, alors, on se basait beaucoup sur leur matériel pour le froid, pour tout ça. Mais il faut quand même imaginer que dans les années 20, on n'avait pas du tout le matériel. Même que possédait, par exemple, Herzog, Lachenal, Annapurna en 50, ou Edmond Hillary en 53 sur l'Everest. Les gens grimpaient encore en veste de tweed, ils avaient des bandes moltières, ils se mettaient des casques d'aviateur ou de moto sur la tête. Enfin, c'était vraiment très très rudimentaire comme pour se protéger. Et à l'époque, qu'est-ce que l'on sait du manque d'oxygène et des risques que l'on court à cause du manque d'oxygène en altitude? Alors, on sait pas grand-chose. Parce que pour l'instant, tout est à découvrir. On se dit simplement que ça va être très dur de respirer en très haute altitude. On a déjà des expériences de gens qui sont montés un peu haut, etc. Et on sait que là, le corps réagit beaucoup moins bien. On est débile au sens littéral du terme. Et donc, on a imaginé, bien sûr, d'utiliser des bouteilles d'oxygène supplémentaires qui vont permettre de grimper. Oui. Le seul défaut, c'est qu'elles pèsent 12 kilos. Oui. Alors, même avant, il y a des savants fous qui tentent des trucs un peu plus incroyables. Des sortes de tubas inversés pour aller prendre de l'oxygène plus bas. Oui, il y a des fantaisistes qui avaient imaginé un véritable narguilé qui mesurerait, je ne sais pas, 4 km de long et qui, comme ça, accompagnerait les grimpeurs sur l'Everest. On a imaginé des ballons à hydrogène, à hélium, qui leur permettraient de s'alléger. Enfin, c'était très fantaisiste. C'est un peu le concours Lépine de comment atteindre le sommet. Le toit du monde. Alors, en 1921 et 1922, Mallory n'est pas convaincu par l'utilisation de l'oxygène. Il n'est pas convaincu parce que, tout simplement, il pense que c'est un peu triché, finalement. Ouais. Utiliser de l'oxygène supplémentaire artificiel, que les Sherpas appellent d'ailleurs l'air anglais, eh ben, c'est un peu une tricherie. Et donc, il se dit, non, pas moi. Et puis, en fait, il va l'utiliser. Il va l'utiliser pourquoi ? Parce que en 1924, la première cordée d'assaut, qui comprend deux personnages importants, Norton et Somerwell, vont aller jusqu'à 8574 mètres sans oxygène. Ouais. Et derrière, il y a la cordée Mallory, qui lui va se dire, je vais prendre de l'oxygène, parce qu'ils ont raté sans oxygène. Et moi, je peux pas finalement être responsable d'un autre ratage, il faut que je prenne de l'oxygène. Et c'est pour ça qu'il va plutôt choisir le jeune Sandy Irvine, qui a 22 ans, et qui n'est pas un alpiniste des plus extraordinaires, mais qui est un très bon bricoleur et qui sait parfaitement régler les bouteilles à oxygène qui sont de véritables usines à gaz au sens propre du terme. Mais c'est quand même incroyable de choisir cet alpiniste de 22 ans qui n'a pas beaucoup d'expérience dans le domaine pour aller marcher sur le toit du monde et, réaliser cette prouesse. C'est un bon géant, il fait 1m88, Irvine, il est fort, c'est un rameur, il a fait de l'aviron à Oxford et tout ça, donc... Et puis il pratique un peu la montagne, c'est quand même pas non plus un novice complet. Alors Georges Mallory a 3 enfants, une femme, et il prend ses risques. Il sait, il a vu en 1922 les 7 Sherpas mourir dans l'avalanche. Il y va quand même. Pourquoi ? Il y va parce qu'il peut pas faire autrement. Parce que c'est devenu en fait le sens de sa vie, profondément. Il aime bien sa femme, il aime ses enfants, il aime tout ça, mais je crois que surtout il aime l'Everest. Ouais. Puis il y a aussi peut-être, ils sortent de la guerre, tous ces jeunes hommes, la Première Guerre mondiale, et du coup ils ont envie d'évasion, ils ont envie de se dépasser, ils ont peut-être pas le même rapport à la mort. Non, tout à fait. Mallory, comme nombre de ses compagnons, a vécu la guerre dans les tranchées, etc. Il a été blessé, il a été démobilisé en 1916. Et donc, ces gens-là, ils ont vu l'horreur. Et c'est sûr que la montagne, avec sa beauté, parce qu'il faut quand même parler de ça, c'est ça qu'on va chercher. C'est la beauté du monde. Ouais. Eh bien, Mallory, il est d'abord là-dedans. Ouais. Il est d'abord dans ces paysages lumineux, adamantins de l'Everest. Enfin, c'est incroyable. Alors, par quelle face Mallory et Irvine vont tenter l'ascension de l'Everest ? Alors, ils n'ont pas beaucoup le choix, parce que le Népal est toujours fermé aux étrangers. On est dans les années donc 20. Mmh. Le seul pays qui est ouvert et qui permet un accès à l'Everest, c'est le Tibet. Mmh. Donc, on est sur la face nord. On est sur la face nord, exactement. Et encore une fois, il va falloir trouver le bon accès. C'est Mallory qui va le trouver, en remontant des vallées. Entre autres une vallée qui s'appelle la vallée de Karta, et là il va comprendre le système glaciaire qui va lui permettre d'arriver à 6400 mètres au pied du col Nord, et ça c'est la clé de l'ascension de l'Everest. On monte au col Nord, on suit l'arête Nord, et après on découvre vers la droite l'accès immense sur l'arête de l'Everest. Alors il faut rappeler le principe de ces expéditions qui étaient très longues, qui duraient 8 mois. Aujourd'hui c'est un peu plus court quand on s'attaque à ce genre de sommet, mais c'est toujours par palier, c'est-à-dire que évidemment il faut s'acclimater, on fait ce que certains alpinistes appellent le yo-yo, on monte, on reste en bivouac, on s'acclimate, on redescend et ainsi de suite, de proche en proche, on essaye de venir s'approcher le plus près du sommet pour ensuite l'atteindre en une dernière fois. Et oui, il faut tout simplement que votre corps mute complètement. C'est votre formule sanguine qui va être bouleversée grâce à ce qu'on appelle l'acclimatement. Ouais. Et donc, vous allez avoir par exemple une polyglobulie énorme. Vos globules rouges vont tripler. Et ça, ça se fait pas en une journée. Ouais, oui. Ça se fait en de longues journées. Ça dure pas très longtemps. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut grimper. Ouais. Ou alors, sinon... Vous avez 10 bouteilles d'oxygène, comme ça se fait maintenant, et vous commencez à utiliser de l'oxygène pratiquement dès le camp de base. Vous avez payé 100 000 euros et c'est formidable. Mais pour être clair, si on est parachuté en haut de l'Everest sans bouteille d'oxygène, sans acclimatation, on meurt quasiment instantanément. Presque instantanément. Alors Irvine et Mallory sont acclimatés le 8 juin 1924 lorsqu'ils se lancent du camp 6 à 8170 mètres. Oui. Qu'est-ce qu'on sait ? Alors, de cette journée-là. On sait, d'abord, il y a un témoignage qui est très intéressant, c'est que ils ont laissé 2 messages pour leurs compagnons du bas, des messages que les Sherpas ont rapportés. Donc, il y a un message qui est adressé au capitaine Noël. Le capitaine Noël, c'est ce photographe et ce cinéaste qui va filmer toute l'expédition. Et puis, ils ont laissé un message à Noël Odell, cette fois. Le géologue. Le géologue. Qui accompagne l'expédition. Et dans lequel Mallory va juste écrire quelques phrases en disant « Je suis désolé, j'ai laissé la tente en désordre. Si tu remontes au camp, n'oublie pas de prendre une boussole que nous avons malheureusement oubliée. » Et puis, il indique cette phrase à la fin « Perfect weather for the job. » Un temps parfait pour faire le boulot. Il parle pas de victoire, il parle pas de tout ça, il dit pour faire le boulot. C'est justement Noël Odell, le géologue, qui prétendra les avoir aperçus voilà. alors qu'il grimpait, lui, à un peu moins de 8000 mètres. Ils étaient tout près du sommet. Oui. Je vous propose d'écouter son témoignage. À 12h50, au moment où je venais de trouver avec jubilation les premiers fossiles reconnaissables sur l'Everest, l'atmosphère s'éclaircit soudain. Toute la crête se dévoila avec le pic terminal. Mes yeux se fixèrent sur une minuscule tache noire qui se détachait en avant d'une petite pente de neige, au-dessous d'un ressaut rocheux de la crête. Et la tache noire remuait. Une deuxième tache se montra bientôt, remontant la neige pour rejoindre l'autre sur la crête. La première approcha du grand ressaut rocheux et peu après, émergea au-dessus. La seconde fit de même. Alors, cette vision fascinante s'évanouit, enveloppée de nouveau par un sombre nuage. Noël Odell est la dernière personne qui aurait vu Georges Mallory et Andrew Irvine vivants. Son témoignage vous semble-t-il fiable, Jean-Michel Asselin ? Je pense que Noël Odell a apporté un témoignage très fiable. Noël Odell est très en forme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va monter quand même deux fois au camp 6, en quelques jours, et qu'il va passer au total presque 11 nuits au-delà de 7000 mètres. Et Noël Odell, apparemment, n'est pas affecté par l'altitude. Il se sent très bien. Il essaye même à un moment de prendre des bouteilles d'oxygène, puis il se dit, oh non, ça sert à rien. Il les repose et il continue son chemin. Donc, je pense que Noël Odell est assez fiable. Alors, dans les jours qui suivent, Noël Odell s'aperçoit que les alpinistes ne redescendent pas. Assez rapidement, il comprend que le pire est arrivé. Mais en fait, le 8 juin, il va remonter à 8170 mètres au dernier camp. Il espère, bien sûr, accueillir les héros. Il va arriver, la tente est en désordre. Il y a une boîte de sardines à un endroit, des petites pièces de bouteilles à oxygène. Les héros ne sont pas là. Odell va sortir, il commence à faire un peu de la neige et tout ça, et c'est pas un beau temps. Il appelle, il crie, il re-rentre dans la tente, puis à un moment, vers 16h30, il se dit non mais là faut que je descende parce que d'abord on peut pas dormir à trois dans la tente, et donc il redescend. On est le 8 juin. Le 9 juin, il va continuer à observer ce qui se passe là-haut. Il y a rien. Il va monter avec un Sherpa jusqu'au camp 5, un peu plus haut. Le lendemain, le 10, il va se retrouver dans la tente, cette fois, de Mallory et d'Irvine. Rien n'a bougé. Deux jours se sont écoulés. C'est perdu. Et là, il sait que c'est fini. Il dispose leur duvet en croix sur la montagne pour avertir ceux d'en bas qu'il n'y a plus d'espoir. L'expédition fait demi-tour, laissant derrière eux, quelque part dans la montagne, les corps d'Andrew Irvine et Georges Mallory. Les deux noms sont gravés au pied de la montagne. C'est le début d'une longue enquête de plus de 90 ans, faite de rebondissements, d'hypothèses, plus ou moins sérieuse, une longue enquête sur laquelle nous allons revenir avec vous, Jean-Michel Asselin, le temps d'un bivouac sur les traces de Georges Mallory cet après-midi. And Nico Natilac, Dance of Eagles sur France Inter. Ça fait froid. Là, je vais vous dire. Là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et on est hyper motivé. Mais on serait vachement mieux ailleurs. Oh putain, si ça fait ça toute la nuit. Psychologiquement, d'entendre le bruit du vent comme ça, c'est affreux. Oh putain. Non, là, c'est pas facile. Là. Oh la bouée. Là, c'est pas facile du tout. Même. Mais on savait, hein. Ça allait pas être facile, là. 10h moins le quart. 22h... 21h45. Mettre les lunettes de soleil aussi, pour le vent. Extrait du film On va marcher sur l'Everest, les alpinistes Sophie Lavaux et François Damilano sur les pentes de la plus haute montagne du monde. Vous avez connu vous-même ces conditions, Jean-Michel Asselin. Vous y êtes allé sur l'Everest. Oui, oui. Oui, je suis allé. C'est encore très dur de faire ces ascensions. Hein. Rien n'a changé, ou presque. Oh ben c'est pas une promenade de santé, non, ça ouais. C'est certain. Hein. Vous êtes allé précisément sur le camp 6, le dernier camp que Georges Mallory a fréquenté. Oui, alors je peux imaginer que j'étais dans la zone à peu près exacte de ce camp, à la différence près que moi je grimpais après la mousson, et donc il y avait énormément de neige. Mais je me suis arrêté, je me rappellerai toujours, à côté d'un rocher où il y avait des morceaux de cordes qui était en chanvre, et je me suis toujours dit que, tiens, peut-être sous mes pieds, il y avait les restes du camp 6 de Mallory. Alors après la disparition de George Mallory et de Andrew Sandy Irvine en 1924, alors qu'ils tentaient d'atteindre le sommet de l'Everest, un grand mystère plane sur cette disparition. Personne ne sait s'ils ont atteint leur but avant de mourir, et au fil des années, des indices vont apparaître et puis des thèses vont commencer à être échafaudées. Après la disparition tragique des deux alpinistes, combien de temps faudra-t-il attendre pour qu'une nouvelle expédition parte à la conquête du toit du monde, Jean-Michel Asselin? Il faudra attendre quelques années, mais ça va être très vite. Hein. On va avoir des différentes tentatives en 33, en 36, ouais. des tentatives très fantaisistes, hein, dont une d'un Anglais complètement étrange, qui s'appelle Maurice Wilson, qui s'était acheté un avion, il n'avait jamais piloté, et il a déjà fait cet exploit de quitter l'Angleterre, d'atterrir en Inde après une traversée démentielle, et puis après de partir tout seul sur l'Everest. Évidemment, ce brave homme est mort sur les pentes du col Nord, et on l'a retrouvé. On l'a retrouvé, lui, Maurice Wilson, on l'a retrouvé trois fois. Les Anglais l'ont retrouvé en 1935, ensuite les Chinois l'ont retrouvé en 1970, et moi-même je l'ai retrouvé en 1989. Ouais. Il y est toujours ? Ah, j'imagine qu'il y est encore. On n'a pas offert une sépulture, on l'a pas. On a fait ce qu'on a pu sur un glacier, à savoir le recouvrir de pierre. Et vous savez que le problème d'un glacier, c'est que ça avance, c'est un fleuve, et donc Wilson doucement va repartir vers la mer. Alors en 1933, on découvre un premier indice sur cette affaire Mallory Irvine, un piolet dont on est sûr qu'il a appartenu à un des deux alpinistes? Oui, on est sûr de ça. C'est un piolet d'une marque bien spécifique. Donc, ça, c'est le premier indice. Ouais. On le retrouve où exactement? Qu'est-ce que nous dit ce piolet? Est-ce que finalement, il ne pose pas plus de questions que Je pense qu'il pose plus de questions, parce qu'un piolet tout seul égaré, est-ce que c'est un piolet qui a débaroulé sur 300 mètres? Est-ce que c'est un piolet qui a été posé sciemment à tel endroit? On ne sait pas, quoi. Mmh. Mais en tout cas, on l'a retrouvé sur 8200 mètres. Pendant un moment, la Chine va interdire l'accès par le Tibet, donc la face nord de l'Everest, et donc l'enquête ne va pas du tout avancer. Aucun occidentaux n'arpente cette partie-là de la montagne. Et il faut attendre 1979 pour qu'il y ait un nouveau rebondissement. Oui, exactement. C'est seulement à partir de là que les Chinois vont réouvrir leurs frontières, et qu'il va y avoir des expéditions qui vont se rendre sur ces flancs, parce que les Chinois, eux, sont très bien adjuger la montagne. Ouais. Ils voulaient être les premiers au sommet. Donc, ils ont créé une expédition monstrueuse avec des adhésions au Parti communiste à 8000 mètres. Et ils ont mis visiblement des gens au sommet. Ouais. Même si parfois, leurs descriptions sont très fantaisistes, puisqu'on assiste, par exemple, dans un récit à l'ascension d'un Chinois pieds nus vers 8500 mètres, exalté par la pensée de Mao. Ouais. Bon. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu exalté. On n'est pas certain de ces récits. Il n'existe pas de photos de ce qu'ils auraient fait. On est sûr qu'ils sont allés au sommet. En quelle année? En 75. En 75. Eux, à un moment, ont prétendu l'avoir fait dans les années 60. Oui, dans les années 60. C'est là où il y a un doute. Il y a un doute, mais c'est très possible. Ouais. C'est très possible. Ils ont installé, justement, sur cette partie, une échelle qui permet, justement, d'accéder un peu plus facilement sur un des ressauts un peu difficiles. Oui, ce fameux second step, cette fameuse falaise, est équipée aujourd'hui d'une échelle. Elle est équipée par les Chinois. Et on a des grimpeurs qui ont essayé, dans les habits d'époque de Mallory et Irvine, de faire cette ascension sans utiliser l'échelle. Ouais. Et je peux vous dire que c'était des Espagnols qui étaient très doués. Et ben, c'était pas du tout gagné. Ça va plutôt dans le sens l'idée qu'il n'a pas réussi parce que l'échelle n'y était pas par définition. Et apparemment, il a fallu qu'on installe cette échelle pour que l'ascension par cette face soit possible. Possible et surtout la descente. Ouais. Le Graal pour trancher cette question, ce serait de retrouver l'appareil photo. Exactement. Les deux hommes, Mallory et Irvine, sont partis avec un appareil photo que l'on n'a jamais retrouvé. Alors, les hypothèses les plus folles traînent. Ouais. Certains disent que les Chinois ont retrouvé l'appareil photo et pour ne pas dire qu'ils étaient arrivés avant eux, ils l'ont détruit ou caché. Ça paraît un peu, fantaisiste. C'est un peu fantaisiste, oui, je pense. Cet appareil photo, selon vous, il existe encore? Il est quelque part dans la montagne? Alors, oui, mais dans quel état? Ouais. Tout le problème est là, c'est que si c'est un appareil photo qui a subi une grosse chute, on pourra rien en faire. Mais la firme Kodak avait affirmé que si l'appareil photo n'a pas été ouvert, n'est pas brisé, on pourrait tout à fait développer la pellicule, même un siècle plus tard. Ouais. Donc, pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, on le retrouvera dans les poches de Sandy Irvine. Oui, parce qu'on n'a toujours pas retrouvé le corps de Sandy Irvine. Il est possible que le témoignage de ce Chinois qui est mort juste après avoir dit qu'il avait vu un Anglais mort sur la montagne, il est possible que ce soit le corps de Sandy Irvine. Oui, tout à fait, c'est complètement plausible. Sauf qu'on ne sait pas où il est. Sauf qu'on ne sait pas. Et qu'on le retrouvera peut-être par hasard. Ouais. Quelqu'un montera un jour et tombera dessus. Comme on a retrouvé en 1999 le corps de Mallory, on a entendu cette archive assez émouvante en début d'émission où Conrad Anker découvre ce corps, dans un premier temps d'ailleurs, quand l'expédition retrouve le corps, il n'ose pas s'approcher, il n'ose pas le toucher. Il y a comme un tabou autour de ce corps momifié. C'est terrible parce que le corps momifié est en fait dénudé dans toute la partie haute. Il repose le ventre contre la terre, contre la glace, et son dos est exactement comme une statue de marbre. C'est incroyable, c'est tout blanc, c'est très étrange. Mmh. Bien sûr, ils ont quand même fouillé ses poches. On n'a pas retrouvé l'appareil photo L'appareil photo, et on n'a pas retrouvé quelque chose d'important. On n'a pas retrouvé la photo de la femme de Mallory que Mallory avait emportée pour poser au sommet. Il avait dit, si j'arrive au sommet, je déposerai la photo de ma femme. Voilà. Elle n'est plus dans ses poches. Là encore, de quoi alimenter. Les théories, les hypothèses. Ils ont évidemment fini par approcher le corps. Là aussi, ils lui ont offert une sépulture. Oui. Mais avant, ils ont essayé de trouver des indices, des éléments de ce qui s'était passé, comme le raconte l'un des membres de l'expédition, Dave Hahn. It was very difficult at the scene to distinguish one layer. C'était vraiment difficile sur les lieux de distinguer une couche de vêtements d'une autre. Except on his arms, where there were about, excepté sur ses bras, où il y avait 7 ou 9 très fines couches de coton et de laine. Mais ses vêtements ne font que quelques centimètres. Là, il y a ce qu'on peut considérer comme l'une des pièces les plus importantes que l'on ait pu trouver quand on était là-haut. Quand Jake a sorti les lunettes de la poche de Mallory, on a su que cela signifiait qu'il était redescendu alors que le soleil s'était couché. À ce moment-là, ils allaient bien. On peut donc dire maintenant qu'ils sont tombés en descendant. Alors c'est vrai que c'est étonnant hein, que les lunettes de soleil soient bien rangées dans la poche de Mallory, mais la conclusion de Dave Hahn est peut-être un peu rapide tout de même, d'en déduire que c'était forcément à la descente qu'ils ont chuté, puisqu'on sait qu'ils ont chuté, puisqu'il est fracturé, il a les jambes fracturées. Oui, effectivement, c'est un peu rapide, mais est-ce que c'est vraiment en fait très important de savoir s'ils sont allés ou non au sommet? Je pense, j'en avais parlé avec Sir Edmond Hillary et qui m'avait dit cette chose très juste. Il a dit peut-être qu'ils sont allés au sommet, mais le vainqueur de l'Everest, c'est celui qui monte et qui redescend vivant. Voilà, je crois que ça c'est la vraie. Le vrai sens de l'histoire, redescendre vivant. Edmund Hillary et Tenzing Norgay sont passés, eux, par l'autre face, hein, en 1953, par la face sud de l'Everest. Mais effectivement, eux, ils y sont allés et ils en sont revenus. Le plus haut sommet du monde, l'Everest, est vaincu. Les habitants de Katmandou, capitale du Népal, ont fait un accueil triomphal à l'équipe victorieuse. Le Sherpa Tenzing, leur compatriote, son camarade de cordée, le néo-zélandais Hillary, et les autres membres de l'expédition que commandait le colonel Hunt. Les premiers dans l'histoire, les Anglais ont vaincu l'Everest. Le monde entier rend hommage à la persévérance du chef et à l'énergie de ses hommes. Au sommet, nous avons surtout éprouvé trois sensations. D'abord, le soulagement d'avoir trouvé le sommet, parce que c'était assez difficile de voir où était le véritable sommet. Puis, le grand plaisir d'être arrivé là, après tous nos efforts, et je pense que ceci était amoindri par les effets de l'altitude. Et la troisième sensation, et c'est sans doute la plus forte, était le désir de redescendre. Ils étaient les premiers à mettre un pied sur le toit du monde, mais ils n'ont pas eu envie de s'éterniser non plus. Il y a quelque chose d'assez étonnant quand même dans cette quête. Et puis une fois qu'on atteint le but, on ne reste pas. Non, on ne reste pas, parce que souvent les conditions d'ailleurs ne l'autorisent pas. Il règne un froid quand même assez intense. Et bien heureux sont ceux qui sont restés une heure, voire plus au sommet, mais c'est rare. Ouais. Jean-Michel Asselin, comment s'est passée l'ascension de ces deux alpinistes qui, eux, sont revenus et, on le sait avec certitude, ont atteint pour la première fois le sommet? Ah ben Hillary et Tenzing Norgay, c'est vraiment une histoire fabuleuse parce qu'ils vont bénéficier de quelque chose d'incroyable. C'est qu'en fait, la veille, il y a deux alpinistes anglais qui sont montés pratiquement jusqu'au sommet sud de l'Everest et qui ont été les ouvreurs de la voie. Mmh. Et Tenzing et Hillary, finalement, vont suivre ces deux personnages et vont oser. Parce que c'est ça qu'il fallait. Il fallait oser, entre autres, franchir ce fameux ressaut Hillary. Dans les Alpes, on ne le verrait pas. C'est quelque chose qui fait 12 mètres de haut. On serait là, on poserait les mains, on franchirait ça, les doigts dans le nez, comme on dit. Mais à 8800 mètres d'altitude, c'est une autre paire de manches. Ouais. Et là, Hillary ou Tenzing, puisqu'on ne sait pas lequel des deux a franchi. On se doute que c'est Hillary. Eh bien, il a osé, et il l'a fait, et ils sont allés au sommet. Et chapeau, chapeau bas, parce que c'était vraiment très très beau. Ce qu'il faut avoir en tête, parce que on est là à 50 mètres, 100 mètres, on se dit, mais s'ils sont si près du but, pourquoi c'est si difficile, les 100 derniers mètres, les quelques centaines de mètres qu'il reste? Déjà, le relief est compliqué, et à cette altitude, ça avance très doucement, hein. On met plusieurs secondes pour faire un pas. Tout se vit au ralenti, le cerveau, les mouvements. Oui, tout est vraiment, comme vous l'avez dit, au ralenti. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'intelligence qu'on a en bas. On est dans les sensations. On est étrange. On est étranger à soi-même. On est comme dédoublé. C'est vraiment très, très spécial. On est sur le fil du rasoir. On sait très bien que tout peut basculer d'un instant à l'autre. On peut mourir. Je sais même pas si on est encore intéressé par sa propre personne. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, il faut avoir beaucoup de lucidité. Aujourd'hui, l'Everest est victime du tourisme de masse. Il y a des photos où l'on voit des alpinistes faire la queue pour atteindre le sommet. Vous allez nous dire, Jean-Michel Asselin, pourquoi ce qui était impossible il y a un siècle est devenu faisable pour trop de monde. Un point rouge dans la nuit, c'est une clope. Je te dis, un point qui danse dans ces collines, on se balade ici, ma main au feu, un ours qui fume, je n'en crois rien, il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui suit un sentier, quelqu'un de transi, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays pour vivre. Vivant, c'était Deux corps et d'esprit, Bertrand Belin, dans le temps d'un bivouac sur France Inter. Beaucoup des déchets ont déjà été redescendus. Et beaucoup de ce que nous ramassons maintenant date de 2015. À cause de l'avalanche et du tremblement de terre, nous avons dû arrêter toutes les expéditions. Tout le monde a tout laissé derrière et la neige a tout recouvert. C'est pour ça que cette année, nous voyons beaucoup de choses. Surtout des tentes, des matelas, etc. C'est d'habitude très facile de ramasser des déchets. Mais deux années de suite, nous avons dû évacuer et nous n'avons pas pu grimper depuis pour nettoyer le camp 2. Des équipements coûteux ont bien sûr été perdus et sont donc devenus des déchets. C'est pourquoi il est facile d'affirmer que le camp 2 est une décharge aujourd'hui. De nombreuses équipes le reconnaissent et font des efforts pour nettoyer ses alentours. Un extrait du film Everest Green, voilà qui aurait sûrement surpris George Mallory. L'Everest est devenu au fil des années la plus haute décharge d'altitude, Jean-Michel Asselin. Oui, on le dit, moi je trouve que ce sont des termes un petit peu exagérés, parce que certes il y a des déchets sur l'Everest, mais vous avez 1500 personnes au camp de base. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de choses jetées ça et là, hein ? Il suffit d'aller voir ce qui se passe même sur nos montagnes en France, à certains endroits. Donc on essaye de faire au mieux et on n'y arrive pas toujours. Tout de même, 25 tonnes de déchets solides sur les bases. C'est pas quelques déchets. C'est pas quelques déchets, non, mais vous avez raison. Mais on prend conscience qu'il faut faire attention. En même temps, on fait attention, mais en même temps, on amène trop de gens au pied de la montagne, trop de gens à grimper, et il n'y a rien à faire. Ça crée du déchet. Ouais. Sachant qu'au Népal, le problème, il n'est pas là. Hein. Vous l'aurez très vite compris. Hein. Le Népal, si vous allez à Katmandou, vous comprendrez vite que le problème des déchets, il est d'abord à Katmandou et qu'il n'y a aucune infrastructure. Et ça, c'est dramatique. Mmh. Aujourd'hui, le Népal essaie de trouver des solutions. Ils essayent de trouver des solutions. En même temps, c'est un apport d'argent tellement spectaculaire pour eux que voilà, il y en a qu'ils hésitent à limiter ce qu'ils se faisaient dans le temps, hein. Puisque dans le temps, on avait le droit qu'à une voix et par équipe, alors que maintenant, vous avez 380 autorisations sur la même voie. L'Everest est devenu un lieu touristique, mais il est toujours dangereux, évidemment, et nos journaux s'en font régulièrement l'écho, comme le 23 mai dernier. Deux morts également hier sur l'Everest, un Américain et une Indienne de 55 ans, morts à cause des embouteillages sur le toit du monde. C'est la saison où la météo permet les ascensions, alors il y a beaucoup de cordées près du sommet. Trop pour Marc Battard, premier alpiniste en haut de l'Everest en moins de 24 heures, c'était en 88. Il était en solo et sans oxygène et il est ici avec Rémi Brancato. Il y a des gens qui meurent sur l'Everest parce qu'il y a des gens sans scrupules qui font du business à outrance. Je connais une des plus grosses agences au Népal qui a une puissance financière qui arrive à maîtriser un petit peu ce qui se passe au ministère pour la délivrance des permis. Et ce qui fait que le permis, on le diminue, on l'augmente suivant l'offre et la demande. Et là, en ce moment, il y a eu une demande énorme. Et on arrive à ce genre de bêtises. Bon, l'Everest en lui-même, techniquement, c'est pas très difficile, mais il se trouve que la partie finale est quand même assez étroite. Donc, il y a forcément un goulot d'étranglement qui fait que les gens sont obligés d'attendre et ce qui arrive à l'accident qui vient d'arriver. Ça fait des années que c'est mal géré, c'est vraiment une boîte à fric et c'est quand même dommage. Et franchement, l'Everest mérite mieux que ça. Rien que cette saison, 11 personnes sont décédées sur l'Everest. Cette saison est la plus meurtrière depuis 2015. Comment expliquer tous ces accidents ? Alors ça s'explique par une chose très simple, c'est essentiellement le progrès des prévisions météo. Elles sont aujourd'hui tellement précises que pratiquement vous savez à quelle heure vous pouvez grimper en toute sécurité sur le toit du monde. Ouais. Et donc, ce qui explique que tout le monde se retrouve au même endroit au même moment. Voilà, tout le monde part au même moment. Et on a en tête des images incroyables où vraiment les gens sont à la queue leu-leu sur des dizaines de mètres pour atteindre le sommet. Des centaines de mètres. Bien sûr. Et ça, c'est en partie dû à cet effet des prévisions météo. Et puis, une autre cause aussi qui est très importante, c'est l'emploi d'oxygène massivement avant. Ceux qui utilisaient de l'oxygène, en général, l'utilisaient à partir de 8000 mètres du dernier camp au col sud. Mais maintenant, il est courant que les gens utilisent ça à partir du camp 1 à 6400 mètres, voire même, pour certaines agences américaines, l'utiliser à partir du camp de base, ce qui est quand même un peu incroyable. Alors, jusqu'à très tard, on pensait qu'il était impossible d'atteindre le sommet sans oxygène. Certains ont prouvé le contraire contre l'avis des médecins. Je pense à Reinhold Messner, évidemment, qui lui a fait plus de 12 sommets à plus de 8000 mètres sans oxygène. Oui, absolument. Comment c'est possible? Reinhold Messner a accompli cet exploit en 1978 de gravir l'Everest sans oxygène. On le prenait pour un fou. Ouais. Il y est arrivé. Il a démontré que c'était possible. Et aujourd'hui, encore récemment, la Française Elisabeth Revol vient de faire un Everest sans oxygène, suivi d'un Lhotse sans oxygène. Chapeau bas, madame. Alors vous, Jean-Michel Asselin, vous avez tenté plusieurs fois de gravir l'Everest. Vous n'y êtes encore pas arrivé. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Il m'a manqué 50 mètres, mais ça ira pour toutes mes tentatives, ça me suffira. Vous n'y retournerez pas ? Non, j'y retournerai pas. D'abord, je suis trop vieux, je suis pas un bon alpiniste. Et donc, je suis très heureux d'avoir vécu 5 fois des aventures extraordinaires sur cette montagne, avec des compagnons charmants. Mais non, décidément non. C'est pas pour moi. Vous le dites avec un grand sourire, on sent que c'est pas le loupé de votre vie finalement. Oui, après 11 ans de psychanalyse, on s'en passe. Merci Jean-Michel Asselin de nous avoir emmené sur les pentes de l'Everest, sur les pas des premiers alpinistes. Je signale le titre de votre dernier ouvrage, On ne vit pas au sommet, chez Pocket. Et puis je signale aussi que vous venez de réaliser un film avec votre épouse Anne-Benoît Janin, Les Belles Envolées. C'est le portrait de 8 Népalaises qui ont gravi l'Everest. Le film vient tout juste d'être terminé. Il va être visible dans certains festivals. Oui, on le verra au festival de Ciné 2000 à Ajaccio en octobre. Et puis surtout au Grand Bivouac à Albertville, qui est un festival qui accueille énormément de monde. Donc on pourra voir ce film avec la présence d'ailleurs de deux des Népalaises protagonistes de l'Everest qui sont extraordinaires, Doma Sherpa et Kalpana Marian. Qu'est-ce qu'il raconte ce film ? Il raconte que ces femmes, elles ont choisi de faire l'Everest pas simplement pour la montagne, mais surtout pour dire que les femmes, elles sont l'égale des hommes et qu'elles ont quelque chose à raconter au Népal. Et puis pour ceux qui voudraient vous écouter davantage, eh bien vous êtes chez nos amis de France Bleu Pays de Savoie avec cette émission Passion Montagne. Tous les dimanches, c'est à quelle heure ? Entre 11h et midi. Entre 11h et midi et voilà. On vous retrouve à la rentrée. En septembre. Sur France Bleu Pays de Savoie. Un grand merci à vous Jean-Michel Asselin d'être passé par notre bivouac. Merci.